Chapitre 9e. Martin Sulac, car Icoteruca ne doutait pas que ce fût lui, marchait avec rapidité, sans se retourner. Il arrima ainsi devant la boutique d'un bijoutier de la Victoria Street, où il entra. Icoteruca, après avoir attendu une dizaine de minutes, négligemment appuyé à la muraille d'un bâtiment voisin, dans l'attitude d'un flâneur, commença à ressentir une certaine inquiétude en ne voyant pas le Hongrois ressortir. Les mains dans les poches, une main cigarette en bouche, il s'approcha de la boutique du joaillier et, tout en faisant mine d'examiner l'étalage, regarda à travers les vitres. La boutique était vide, ou plutôt, elle ne contenait qu'un seul homme, un gros hindou, le propriétaire. Pas trace de Martin Sulac. Icoteruca comprit qu'il avait été joué. La maison devait posséder une double issue. Délibérément, il pénétra dans la boutique et, de son air le plus naïf, exclama « Monsieur Sulac est sorti. J'ai une commission urgente pour lui de la part de Monsieur Muller. » Ce Monsieur Muller n'existait que dans l'imagination d'Icoteruca, naturellement. L'hindou regarda le détective avec stupéfaction. « Je ne connais pas Monsieur Sulac, » affirma-t-il. « Ah, enfin, un gros gentleman qui porte des lunettes jaunes, » expliqua Icoteruca. « Je l'ai vu de loin entrer chez vous, mais je n'ai pu le rejoindre tout de suite. Je suis un ancien soldat. J'ai été blessé à la jambe dans la Sarne et je ne marche pas vite. Alors Monsieur Sulac est ressorti. Je veux dire le gentleman à lunettes. » L'hindou ne broncha pas. « Un gentleman à lunettes ?» murmura-t-il comme s'il cherchait dans sa mémoire. « Attendez, oui, je pense qu'il a dû ressortir. Il est venu plusieurs personnes depuis quelques minutes, et vous comprenez ? Je fais surtout attention à mes bijoux et aux mains de mes clients plutôt qu'à leur visage. Il se peut que le gentleman dont vous parlez soit entré et ressorti. Je ne l'ai pas remarqué, d'autant plus que beaucoup de gens ici portent des lunettes. « Oui, je comprends, » affirma gravement Icoteruca. « Mais c'est bien regrettable, très regrettable. » Se disant, il se pencha vers l'hindou et lui souffla à l'oreille. « Je suis un ami de M. Sulac. Je suis dans l'affaire. Je venais lui dire de se méfier. Vous me comprenez. Si je ne parviens pas à le rejoindre, il est perdu. On le guette. » Cette fois, l'hindou comprit. Il pâlit, c'est-à-dire que sa peau couleur café au lait prit une teinte citron. « Que voulez-vous dire ? » balbutia-t-il. « Je dis que si je ne vois pas M. Sulac avant 10 minutes, ce soir il sera en prison. » Le joaillier resta sans voix. Pendant quelques secondes, il considéra Icoteruca avec attention et méfiance. Le détective japonais soutint son regard sans sourciller. À part lui, il se félicitait de sa perspicacité. Ainsi qu'il l'avait deviné, le négociant était d'accord avec Martin Sulac. « Laissez-moi un mot pour M. Sulac. Je crois qu'il va revenir, » fit enfin l'hindou. « Expliquez-lui ce qui le menace, quoique je sois réellement bien étonné de ce que vous me dites, car Sulac est un honnête homme. » « Ne perdons pas notre temps, » interrompit Icoteruca, feignant d'être impatienté. « Je ne peux parler qu'à M. Sulac. Si vous ne voulez pas me faire savoir où il est, ne vous en prenez qu'à vous de ce qui arrivera. Vous devriez comprendre ce que je veux dire. »« Venez, » se décida le joaillier, « je vais vous conduire à M. Sulac. Je crois qu'il est ici. » Se disant, le négociant alla retirer le bec de canne de la porte de la boutique et fit signe à Icoteruca de le suivre. Derrière lui, le célèbre détective pénétra dans l'arrière-boutique et s'engagea dans un long couloir qui aboutissait à une cour. L'hindou la traversa et entra dans une sorte d'antichambre qui donnait elle-même dans une salle nue aux murailles blanchies à la chaux. Icoteruca observa que le joaillier, à mesure qu'il passait, refermait à clé les portes derrière lui. « Restez ici. « Je vais aller chercher Monsieur Sulac. Asseyez-vous là, vous serez bien. » fit brusquement l'hindou en désignant au détective un petit escabeau de bambou, le seul siège de la pièce. Icoteruca, qui rien n'échappait, s'approcha de l'escabeau. Mais au lieu de s'y asseoir, il appuya vigoureusement son pied sur un des barreaux. Un déclic retentit, l'escabeau s'enfonça dans le sol, laissant à sa place une ouverture carrée. Icoteruca bondit vers l'hindou qui attendait dans l'encadrement de la porte l'effet de sa machination et le saisit à la gorge. Le joaillier poussa un hurlement d'appel auquel répondirent aussitôt des cris furieux.